It is nothing serious. Et ben encore deux 78 tours qui ont été dégratouillés, encore une fois les deux de joués par Vassa Prioda, en commençant par la Sarabande numéro 1 de Niccolo Paganini. Niccolo Paganini, donc compositeur italien qui est déjà d'ailleurs a été déjà diffusé dans cette émission. Niccolo Paganini. Donc je rappelle un peu les dates, quoi. Il est né à Gênes le 27 octobre 1782, il est mort à Nice le 27 mai 1840, et souvent évoqué comme étant le plus grand violoniste jamais connu. Mais bon, on n'a aucun enregistrement de lui, puisque le tout premier enregistrement sonore qui a été réalisé et reproduit, que l'on arrive à reproduire aujourd'hui, date de 1860, largement trop tard. Et ça n'aurait pas été en mesure d'ailleurs d'enregistrer un morceau au violon. Donc il avait pas mal d'instruments d'ailleurs remarquables, ce Paganini, comme un Antonio Amati de 1600, un Niccolo Amati de 1657, un Paganini Dessin 1680 Stradivarius, un Guarneri Filius Andrea 1706, un Lebrun 1712 Stradivarius, Vuillot 1720, c'est Bergonzi, Hubei 1726, Stradivari, Conte Cosio di Salabu 1727, ça c'est rien que pour les violons. Mais il y a également l'alto, Countess of Flanders 1582, da Salo di Bertolotti, Mendelssohn 1731, Stradivari, un 3 violoncelles, Piatti 1700, Goffriller, Steinlein 1707, Stradivari, Ladenburg 1736, Stradivari, et une guitare, Grobert de Mirecourt 1820. Donc il avait quand même du bon matériel, c'est le moins qu'on puisse dire. Alors évidemment, joué par qui ? Par Vassa Prioda, encore une fois, enregistrement pour lequel je n'ai pas de date précise. Le précédent c'était un enregistrement électrique vu la qualité, et là c'est avec la qualité sonore qu'il faut déterminer un petit peu au pifomètre de quand ça peut dater. Thank you. Donc à l'instant, c'était Vassa Prioda qui nous interprétait la sarabande numéro 1 de Niccolo Paganini, que nous retrouverons enfin, bon, dernier enregistrement de la série avec Vassa Prioda, juste après ceci, ben, les concerts. Où est-ce qu'on en est? Les concerts de musique libre là, qui vont avoir lieu dans les prochains temps. Alors ce soir à 22h sur au Surf Bar à Hourtin Plage, il y aura le Browser Duet, qui font, on ne sait pas trop ce qu'ils font, comme il y a un duo de Game Boy du nom de Gros Lézard de Mario Bros. Live à base de petites consoles de jeux qui n'est pas seulement 8 bits ou lofi mais aussi funk et techno. Ils jouent debout au milieu du public, c'est une manière plus festive et plus légère d'aborder le live électronique. Voilà ça. Le 25 septembre, c'est les Proters qui... non, il n'y a pas d'autre concert de prévu. Donc les Proters au 88 rue Ménilmontant à Paris 20e. Prix d'entrée 5 €, donc le 88 rue Ménilmontant, c'est la miroiterie. Et il y aura également Shepa, donc un groupe néerlandais. Et donc c'est un groupe qui fait du punk. Ils vont jouer également le 26 à la Ferté-Allée, le 3 octobre dans le 18e arrondissement, le 24 octobre dans le 15e, le 21 novembre à Massy et le 11 décembre à Paris 19e. Le 25 également, les Louise Michel à Zorro Leipzig en Germanie, en Allemagne, à 20h. Prix d'entrée, on ne sait pas. C'est pour le festival Zorro. On aura également Raphaël Bernabeu le 25 septembre au Théâtre du Pont Neuf à Toulouse. À 21h, prix d'entrée gratuit. Chrysalide, Mr. Big Stuff à Toulouse. Chrysalide qui fait de la chanson francophone, de la pop, de la funk, et qui font un concert d'adieu, paraît-il. Ça, c'est pas forcément une bonne nouvelle, à moins qu'ils ne se recombinent avec d'autres musiciens pour créer du encore plus mieux. Ce sera le 25 septembre à 22h. Donc les Proters au Skate Park à la Ferté-Allée de nouveau, en prix d'entrée gratuit, c'est pour le festival Nomad Fest avec les Raymond. La Fibre au Chant des Sirènes, au 7 rue Saint-Agnan à Lyon, à 20h le 26, c'est un concert hip-hop avec également les Maximum Porco, Soul Connection qui fait du hip-hop, Antidoxa et... ça ne s'écrit pas, Exposition de Saint-Paul en Beaune, je dis bien Exposition, prix d'entrée gratuit, c'est le nom du festival culturel organisé par l'association Art, Rythme, Éthique. Ça ne s'écrit pas est un duo de musique expérimentale, par exemple de Noise, en licence art libre. Le 26 septembre, ça sera Noy qui va se produire à Genève dans la zone industrielle du Mérin, à Lundertown, groupe qui existe depuis 1999 et qui font du rock alternatif, de la chanson francophone notamment. que l'on retrouvera d'ailleurs le 31 octobre à Paris 10e et le 7 novembre à Lausanne. Le 26 septembre, décidément, la rentrée est riche en concerts. Wallfire, l'Artichaut, rien à voir avec le festival Artichaut de tout à l'heure. Hein. Artichaut, en trois mots, 62 cours Jean Jaurès à Grenoble, à 20h, prix d'entrée 4 euros. Il y aura également Almonds, Drive et Placide qui seront présents. Et donc là, c'est du rock. Zimé, qui va se produire à la salle communale de Tréflaouénan en... Le 26 septembre, donc en Bretagne, également à Plouescate le 2 octobre et le 5 décembre, et c'est la salle communale de Tréflaouénan, concert en première partie de Inner Chimp Orchestra, et une soirée cool en perspective. Ils font quoi, de la chanson francophone, du rock. Charita Manouche, encore le 26 septembre, décidément on a le choix pour cette date. Charita Manouche au cinéma Jean Estat à Pessac, prix d'entrée gratuit à 20h. Donc qui font par exemple de la folk, ils se définissent comme étant du western psychédélique. Ça sera donc pour les journées du libre en fait. Mais on les retrouvera également le 7 octobre à Bordeaux, le 24 octobre à Saint-Aiguillin et le 30 octobre à Bordeaux. Les Marilyn Rambeau au Squatch au Sas à Toulouse en France le 1er octobre à 20h, gratuit, avec Petula Clark d'ailleurs. Alors je ne sais pas si c'est la chanteuse. Si c'est la chanteuse ou si c'est une blague, qui font du post-rock, du progressif, du jazz-rock, du rock tout court, voire du non précisé comme style, haricot, chou chinois, maniaque dépression, poireau, bouine, rien que les titres, ça donne envie d'écouter. On les retrouvera également pendant le mois d'octobre à Montpellier, à Florac, à Grenoble, Lyon, Saint-Étienne, Nevers, Amiens, Bruxelles, Gand, Louvain, Paris et Mans. Ils sont très actifs, ils ont une grosse tournée du 1er au 12 octobre, mais même le 12 octobre, c'est pas encore fini. Donc ça, c'est pour les prochains concerts de musique libre. Et voilà maintenant, de retour de la musique tout court, la musique pas seulement libre, mais même domaine public. Alors c'est Edvard Elgar, le compositeur du prochain morceau, qui est né le 2 juin 1857 à Lower Broadhead, dans l'ouest de l'Angleterre, dans une famille musicienne. Edvard Elgar était le quatrième d'une famille de 7 enfants. Il a un père accordeur de piano, violoniste et organiste. En 1860, la famille a déménagé à Worcester. Donc il a reçu sa formation musicale de sa famille et puis sera toute sa vie autodidacte. Il a pratiquement seul appris à jouer du piano, du violon. Il apprend aussi de l'orgue. Il a terminé sa scolarité vers l'âge de 15 ans. Donc ses parents voulaient l'orienter vers une carrière d'avoué, mais il les a rapidement convaincus que ce n'est pas fait pour lui. J'imagine d'ici il est un petit peu les caprices et je ne sais trop quoi. Donc il commence à donner des leçons de violon et s'est fait connaître comme professeur, compositeur et orchestrateur. En 1885, il a succédé à son père à l'orgue de l'église Saint-Georges. Il s'est marié en 1889 avec Caroline Alice Roberts, qui est la fille d'un général de l'armée des Indes. Et donc à partir de 1898, après la création de la cantate Caractéus, suivie et peu après par les variations sur un thème original, l'importance de ses compositions a été reconnue. Il a été anobli en 1904 par le roi Édouard VII. De 1905 à 1908, il a occupé la chaire de professeur de musique à l'université de Birmingham. Et à partir de 1911, il est devenu le chef principal du London Symphony Orchestra, avec lequel il a créé nombre de ses propres œuvres. Il s'est consacré à partir de 1918 essentiellement à la musique de chambre. Sa femme est décédée en 1920. En 1924, il occupe le poste de Master of the King's Music. Il a continué son activité de chef d'orchestre pendant ce temps et il est mort en 1934 des suites d'un cancer, donc à l'âge de 77 ans. Donc c'est Liebeskrüß de Edvard Elgar que Vasa Prioda va nous interpréter maintenant. Thank you. Et après avoir dégratouillé des 78 tours, j'ai aussi déslurpé des MP3. Oui, le MP3, quand j'écoute ça, d'habitude, ça fait une espèce de slurp là, dans le son. Que j'ai tenté un petit peu de... J'ai tenté de défouillasser ça. Et en musique classique, s'il y a quelqu'un qui est très prolifique en musique libre, en musique actuelle, c'est Stéphane Roger qui a pas mal de compositions à son actif. Il en est à combien cette fois-ci? Enfin, il ne fait pas que de la musique classique, mais il en fait beaucoup. Si ça veut bien s'afficher, il en est à 583 morceaux. Les qualités, il y a différentes choses, hein. Il y a le meilleur comme le moins bon, il n'y a pas le pire par contre, hein. Il y a quand même des choses de bonne qualité, ça faut pas lui enlever ça surtout. Et il s'agit cette fois-ci d'un morceau qui s'appelle Papa, qui a été composé le 28 décembre 2006, donc sous licence Creative Commons by NCND 2.0. Si je pouvais trouver éventuellement le lien directement vers le morceau. Non, il n'y a pas de commentaire particulier. Lui, il appelle ça de l'ambient d'ailleurs, mais moi je classe ça dans la musique classique. C'est mon droit. Thank you. Et ce morceau, comme le suivant d'ailleurs, est sous licence Creative Commons by NCND, ainsi que toute la troisième partie de ce classique live From the Alsace. On a encore du Stéphane Roger, le morceau s'appelle Avènement, et c'est lui qui nous le dit que ça y est, ils sont là, on ne sait pas qui, mais ils sont là, c'est l'essentiel, et nous sommes là pour l'écouter. Et c'est sur ce morceau de Stéphane Roger, Avènement, que va se conclure donc ce classique live From the Alsace. Il y aura encore une fois un classique live From the Alsace donc pour la prochaine émission. On n'en a pas fini avec la musique classique, il y aura de nouveau les 78 tours dégratouillés, il y en aura encore un petit peu, du 33 tours dégratouillés, du MP3 déslurpé, etc. etc. Tout ça en musique classique. qui devrait donc passer à l'antenne lors d'une prochaine émission. Donc la première et deuxième partie du Classic Live From the Elsass d'aujourd'hui sont sous licence art libre et la troisième partie sous licence Creative Commons by NCND. Ça c'est pour donc les informations, les choses à savoir tout simplement. Et là, nous avons en fond sonore le générique Spoutnik, la SACEM, qui est candidat à être trituré, mélangé, resservi, etc. etc. Il y avait qu'à écouter tout à l'heure. Pour ceux qui ont loupé, tant pis, vous ne pouvez toujours retourner en arrière si vous avez téléchargé l'émission. Ça se trouve à un autre endroit de l'émission. Vous êtes censé l'écouter en entier, n'est-ce pas ? Je n'en doute pas un instant. Vous n'en loupez pas une seule miette, en fait. Je vous souhaite à tous une bonne soirée. Donc, à l'écoute de Radio Dogmazic, bien entendu. Pour ce soir, en tout cas, pour ceux qui écoutent en direct là maintenant. On est le 20 septembre, donc pour ceux qui écoutent en direct, de 21h à 23h, il va y avoir un relais de l'émission de Mekfeist Radio, donc consacrée au dub, au trip-hop et à toutes ces musiques. Cette émission s'appelle Urbano, et donc c'est ce que l'on va retrouver sur le canal de Radio Dogmazic pendant 2 heures également, histoire d'avoir encore un peu d'animation en direct. Et donc je laisse néanmoins l'antenne au robot jukebox juste à la fin de ce générique Spoutnik la SACEM. Bonne soirée à tous et puis à une prochaine fois au micro c'est Gloop. What?